so something is بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نغيبه point numéro 145 de ce livre s'appelle شرح السنة de l'imam al-Barbahari رحمه الله تعالى décédé en l'an 329 de l'Hégire. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره وعرفه فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. Et si tu vois un homme s'asseoir avec les adeptes de la passion, prends garde à lui et enseigne-lui qui ils sont. Et s'il s'assoit avec eux après tel conseil, protège-toi de lui car il est un adepte de la passion également. Explication, الشرح. أهل الأهواء هم الذين يتبعون أهواءهم ونزعاتهم. Donc il dit les gens de la passion, c'est ceux qui suivent leur passion et leurs désirs, ce vers quoi ils ont des penchants. ولا يتبعون الكتاب والسنة, ils suivent pas le Coran et la Sunna. إنما يتبعون ما تهواه أنفسهم, mais ils suivent ce que leur passion leur dicte. فإذا خالف الكتاب والسنة أهواءهم وتركوا الكتاب والسنة. Donc, si leur passion, ils sont pas en concordance avec le Coran et le Sunna, ils suivent leur passion. وما وافق أهواءهم أخذوه لا عن إيمان به ولكن لأنه وافق أهواءهم. Et quand leur passion ils sont conformes avec le Coran et la Sunna, ils se conforment au Coran et la Sunna, pas parce que c'est le Coran et la Sunna, mais parce que c'est conforme à leur passion. وهذه طريقة اليهود. Ça c'est la voie des juifs. C'est ainsi qu'agissent les juifs. فَإِنَّ الْيَهُودَ إِنَّمَا يُطِعُونَ الرُّسُلُ فِي مَا وَافَقَ أَهْوَاءَهُمْ. Les juifs obéissaient aux messagers et aux prophètes dans ce sur quoi leur passion est en concordance avec la législation en vigueur. نعم. قال وَمَا خَالَفَ أَهْوَاءَهُمْ خَالَفُ الرُّسُلَ فِيهِ. Ce sur quoi leurs passions, elles n'étaient pas en concordance avec la législation en vigueur et le message du messager actuel, eh bien, ils ne le suivaient pas, ils ne suivaient pas le messager. قال وما خالف أهواءهم خالف الرسل فيه فإما أن يقتلوهم وإما أن يكذبوهم. Soit ils tuaient leurs prophètes et leurs messagers, soit ils les déclaraient comme étant des menteurs. Ils les accusaient d'être des menteurs. كما قال الله تعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. الله dit dans le Coran, surat numéro 5, verset numéro 70, le sens: mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs et ils en tuent d'autres. وقال في المنافقين من هذه الأمة وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. Et il dit Allah dans le Coran à propos des hypocrites de notre nation, à nous la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans le sens, la surat numéro 24, la lumière, versets 48 et 49. Et quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis. Quand on les appelle pour ihtikam, muhakama, pour appliquer ce qu'Allah et son messager ordonnent, ils s'écartent. Mais si jamais ils voient que ce qu'Allah et son messager ordonnent, c'est conforme avec ce que eux ils veulent, ils viennent. هذه طريقة أهل الأهواء قديما وحديثا. C'est ainsi qu'agissent les innovateurs à l'époque antique au début et à notre époque contemporaine. فالمقياس للحق عندهم هو ما وافق أهواءهم. Comment ils agissent? Quand c'est conforme à leur passion, ils suivent. Quand c'est pas conforme à leur passion, ils restent avec leur passion et ils délaissent le Coran et la Sunna. وَمَا خَلَفَ أَهْوَاءَهُمْ فَهُوَ الْبَاطِلِ وَلَوْ نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَإِنَّهُ عِنْدَهُمْ الْبَاطِلِ. Même si c'est Jibril, il l'a révélé au prophète صلى الله عليه وسلم, si c'est pas conforme à leur passion, ils le considèrent comme étant quelque chose de faux. هَذِهِ طَرِيقَتُهُمْ. C'est ainsi qu'ils agissent. وَهَذَا مَا عَلَيْهِ فِرَقُ الضَّلَالِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. Et ça, c'est un paramètre qui est propagé ou qui est où s'associent tous les innovateurs. فإنهم لا يقبلون ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. N'accepte pas ce que le messager a rapporté. بل لا يقبلون ما جاء في القرآن. Même ce qu'il y a dans le Coran. ولا يقبلون ما جاء في السنة مما يخالف نحلهم وأهواءهم. Et ils n'acceptent pas ce qu'il y a dans la sunna et qui est contraire à leur nihal. Nihal, c'est le pluriel du mot nihla. Nihla, c'est le firqa. Ahlul Milal wa Nihal. Il y a un livre là-dessus de Shahrastani, rahimahullah. Donc il dit فَإِمَّا أَنْ يُؤَوِّلُوهُ وَيُحَرِّفُوهُ وَإِمَّا أَنْ يُكَذِّبُوهُ. Donc quand il y a un texte qui n'est pas conforme à leur passion, soit ils l'interprètent d'une autre manière, soit ils falsifient, notamment ils falsifient le sens, parce que le Coran est infalsifiable. Ils falsifient le sens, ils disent ce qui est voulu c'est ça, ce que Allah veut dire c'est ça, ou alors ils le démentent. هَذِهِ طَرِيقَتُهُمْ. C'est ainsi qu'ils agissent. يقول المؤلف رحمه الله, l'auteur, l'imam البربهاري رحمه الله, il dit dans son livret فاحذر هؤلاء أن تجلس معهم. Prends garde quant au fait de t'asseoir avec des gens pareils. لأنهم يؤثرون عليك. Ça c'est dans ton intérêt à toi, parce qu'ils vont faire effet sur ta personne. يؤثرون, ça vient de أثر. Ils vont te laisser des séquelles, des traces. وربما تقتنع بطريقتهم فتكون معهم. Et peut-être même que tu vas être convaincu par leur idéologie et tu vas devenir un de leurs suiveurs. فابتعد عنهم لا تجالس أهل البدع. Éloigne-toi d'eux, ne t'assois pas avec les adeptes de l'innovation. سواء كانت بدعا في الاعتقاد. Que ce soit des innovations dans la conviction qui sont les plus dangereuses et les plus graves, كالجهمية والمعتزلة. Comme les deux sectes connues, الجهمية qui apparaît au deuxième siècle et المعتزلة également. وغيرهم من أهل البدع. Et d'autres parmi les innovateurs. أو بدعا في العبادة. Ou bien que ce soit des innovations qui apparaissent dans l'adoration, dans l'ibada. كالذين يعبدون الله على جهل وضلال. Comme ceux qui adorent Allah avec ignorance et avec égarement. Ils font des adorations mais qui ne sont pas légitimes. Ils veulent adorer Allah mais à travers des choses qui n'existent pas. ويتزهدون ويتعبدون ولكنهم على غير دليل. Ils recherchent et ils mettent en application Az-Zuhd à leur manière. Et ils recherchent, ils font des adorations, etc. Mais des choses qui ne sont pas fondées. وَعَلَى غَيْرِ هُدًا. Donc automatiquement qui ne sont pas sur la guidée, sur la droiture. وَهَذَا يَنْطَبِقُ عَلَى الصُّوفِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ. Ce type d'innovation s'applique aux soufis et ceux qui se conforment aux soufis, qui font beaucoup d'adorations et qui ne se penchent pas vers la science, vers l'apprentissage, mais font des adorations mais qui ne sont pas légitimes. مِمَّنْ هُمْ مُبْتَدِعَةٌ فِي الْعِبَادَةِ. Parmi ceux qui font des innovations dans les adorations, dans les ibadat. أَوْ كَانَتْ بِدْعَتُهُمْ فِي مَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ. Le Cheikh te dit, éloigne-toi de ceux qui font des innovations dans les aqidah, ceux qui font des innovations dans les adorations et ceux qui font des innovations dans d'autres domaines. وَالْبِدَعُ تَخْتَلِفْ وَكُلُّهَا شَرٌ لَا يُتَسَاهَلُ فِيهَا. Les innovations sont différentes. Il y a des innovations qui sont plus graves que d'autres. Il y a des innovations qui font sortir de l'islam et d'autres qui ne font pas sortir. Mais il dit, elles ont un caractère commun, qu'elles sont toutes mauvaises. Toute innovation en religion, elle est mauvaise. Il ne faut pas prendre ça à la légère. وَلَا يُقَالُ هَذِهِ بِدْعَةٌ يَسِيرَةٌ. Il ne faut pas dire, ça c'est une innovation, c'est vrai, c'est quelque chose de simple. لَا يُتَسَاهَلُ بِالْبِدْعَةٌ. Il ne faut pas prendre ça à la légère. لِيَنَّهَا كَالشَّرَارَ مِنَ النَّارِ. الشَّرَارَ, c'est l'étincelle. Il dit une innovation petite, comme la caractérise les gens, ou le fait de négliger une innovation en disant que ce n'est pas quelque chose de si grave, c'est comme une étincelle de feu. إِذَا تُرِكَتْ أَحْرَقَتْ مَا حَوْلَهَا. Si tu laisses cette étincelle, elle risque d'attiser ce qu'il y a autour. وَإِذَا بُودِرَتْ وَأُطْفِئَتْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ شَرِّهَا. وَإِذَا بُودِرَتْ بُودِرَتْ مِنْ الْمُبَادَرَةِ. Si tu t'empresses à éteindre cette étincelle, eh bien, les gens qui sont autour seront à l'abri des conséquences. الْبِدَعُ هَكَذَا. Les innovations, c'est pareil, c'est la même chose. فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَحْذَرُوا مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ وَلَا يُحْسِنُوا بِهِمُ الظَّنِّ. Les musulmans sont censés prendre garde des innovateurs et ne pas penser du bien d'eux. أَوْ يَغْتَرُّوا بِمَا يَظْهَرُ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدَ الْمَظَاهِرِ. Ou bien le fait de se laisser tromper ou de se laisser aller sur certaines apparences qu'ils ont de certains. ويقولون هؤلاء أهل عبادة, en disant, ça c'est quand même, ils font des innovations, mais c'est des gens qui font des adorations. C'est des gens qui sont ancrés dans l'adoration, ils sont tout le temps en adoration. هؤلاء أهل توبة, ce sont des gens qui se repentent sans cesse. هؤلاء يرققون القلوب, ce sont des gens avec qui, en leur compagnie, ils attendrissent le cœur. يرققون القلوب, الرقائق, c'est ça, l'attendrissement des cœurs. هؤلاء أهل ذكر, en disant cela, ce sont des gens qui font le rappel d'Allah. هؤلاء يتوبون العصاة, cela, ce sont des gens qui font, qui engendrent le repentir des pécheurs. كما يقال في جماعة التبليغ ما داموا مبتدعة صوفية فلا تغتر بهم, comme les gens disent à notre époque, ils disent quand même ils ont du bien, ils font repentir les pêcheurs. Les usat, ça vient de l'ma'siya, comme ça c'est connu sur Jama'at al-Tabliq. Jama'at al-Tabliq, c'est une secte qui est apparue en 1344 de l'Égypte. Bientôt ça fera 100 années qu'ils existent, un siècle. Ça vient de l'Inde. C'est des gens en général bien intentionnés, comme le cheikh dit ici, ils font repentir des pêcheurs, etc. Mais leur problème principal, et celui qui veut savoir bien en détail, il faut qu'il lise ce qu'ont écrit les ulama là-dessus, des machaïrs et des prêcheurs qui ont écrit sur eux. Mais le point principal, c'est qu'ils n'ont pas l'importance de l'ilm, de l'apprentissage et de l'aqidah. Pour eux, l'aqidah, ça risque de diviser les gens. L'ilm, on n'en a pas besoin. Al-Muhim, il faut appeler les gens à Allah. Or, Allah, il a cité dans le Coran que parmi les conditions du prêche, il faut l'ilm, il faut le savoir. Et la première chose vers laquelle on appelle les gens, c'est la aqidah qui est sereine, qui est juste. Donc si tu n'as pas de science, tu ne peux pas prêcher. Et si tu ne prêches pas, si tu as de la science et tu ne prêches pas à la première chose à laquelle il faut prêcher, ton prêche, il est pas bon. Donc le cheikh ici dit que faut pas dire ça, par exemple des innovateurs, en disant ce sont des gens d'adoration, des gens de kada. L'innovation, il faut pas la sous-estimer, il faut pas prendre ça à la légère. قوله وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره. نعم إذا رأيت الرجل يجلس مع المبتدعة فاحذره. Quand tu vois quelqu'un s'asseoir avec les innovateurs ou rester en leur compagnie, Mujalasa, c'est pas obligatoirement s'asseoir par terre, c'est le fait d'être en leur compagnie, etc. المصاحبة. فلأن جلوسه معهم دليل على أنه يحبهم. Quelqu'un qui reste en compagnie de ce type de personnes, ça veut dire qu'il les aime. وَيَأْلَفُهُمْ, et qu'il cherche à avoir une concordance avec eux. وَرُبَّمَا أَثَّرُوا عَلَيْهِ, et sans doute qu'ils vont lui laisser des séquelles. وَلَمَرْءُ مِنْ جَلِيسِهِ, la personne qui la reconnaît de Al-Jalis, avec qui il fréquente. Avec qui il fréquente. Comme ils disent même les non-musulmans, ils disent dis-moi dis-moi avec qui tu restes, je te dirai quelle personne tu es ou qui tu es. نفس الشيء عندنا, c'est المرء يعرف ما من خليله, عن المرء لا تسأل واسأل عن خليله فكل امرئ بخليله يقتدي. Tu n'as pas besoin d'interroger sur la personne, mais demande avec qui il est. Toute personne, tu la reconnaîtras avec son entourage. S'il reste avec des gens mauvais, il est mauvais. S'il reste avec des gens bien, il est bien, en tout cas c'est un signe de bien. Donc il dit فَالَّذِي يُجَالِسُ أَهْلَ الْخَيْرِ فَهَذَا دَلِيلْ عَلَى أَنَّهُ يُحِبُّ الْخَيْرَ وَأَهْلَ الْخَيْرِ. Celui qui reste en compagnie des gens de bien, ça c'est une preuve, c'est un argument, ou c'est un signe, c'est un indice qui montre que c'est quelqu'un de bien et qui aime les gens de bien. وَالَّذِي يُجَالِسُ أَهْلَ الشَّرِ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَأْلَفُ الشَّرَّ ويحب أهل الشر. Et le contraire pour le contraire, celui qui reste en compagnie des gens de mal, qui propage le mal, etc. Donc, ça nous laisse croire que c'est quelqu'un qui aime le mal et qui aime les adeptes du mal. كما قال الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الله يدي dans le Coran, verset surat 6, verset numéro 68. Et quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets. Éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سورة 4 verset 140. Dans le livre, il vous a été révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets, le Coran, d'Allah et qu'on s'en raille, yani on s'en moque. Ne vous asseyez point avec ceux, avec ceux-là, jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Sinon, vous serez comme eux. Wa amara nabiyyahu an yajlisa ma'a ahli al-khayr. Il y a une fatha sur le ra, c'est une kasra. Ma'a ahli al-khayr. Wa amara nabiyyahu an yajlisa ma'a ahli al-khayr fa qala ta'ala واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Donc il dit, Allah il a ordonné à son prophète de rester en compagnie des gens de bien. Il dit dans la sourate Al-Kahf, sourate 18, verset numéro 28. Le sens, fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point deux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَجْلِسَ مَعَ بِلَالٍ وَعَمَّارٍ وَسَلْمَانٍ فُقَرَاءَ الصَّحَابَةِ وَلَا يَجْلِسْ مَعَ أَكَابِرْ قُرَيْشِ. Donc il a ordonné, Allah il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester en compagnie de Bilal. Bilal c'est celui qui faisait l'adhan. Bilal ibn Rabah al-Habashi. Il a fait l'adhan jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après sa mort, tarak al-adhan. Ammar. Ammar c'est Ammar ibn Yasir. Il fait partie des sabiqin al-awwalin min al-muhajirin. Il fait partie, laissa min al-muhajirin. Wa innama min al-sabiqin al-awwalin. Il s'est converti parmi les premiers qui se sont convertis. Salman, Salman, c'est Salman al-Farisi, le Perse. Parmi les yani des compagnons, pourquoi il a cité cela? Bilal, c'était un esclave. Hein? C'était des compagnons qui étaient pauvres. Fuqara al-Sahaba. Fuqara al-Sahaba. Allah lui a ordonné de rester en compagnie de ces gens-là. Wala yajlis ma'a akabir Quraysh wa ghayrihim. Et de ne pas rester en compagnie des notables de Quraysh. Il y en a des gens qui avaient une certaine notoriété et autorité. كان صلى الله عليه وسلم يجلس معهم طمعا في إيمانهم وتأليفهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم est resté en compagnie des notables de Quraysh, espérant que ils acceptent son prêche, qu'ils rentrent dans l'islam. Pourquoi? Parce que quand il y a quelqu'un qui a une certaine célébrité, une certaine notoriété qui fait quelque chose, les gens y suivent. ولكن الله نهاه عن ذلك. Mais Allah il l'a repoussé quant à cela. Il a dit de ne pas rester en compagnie de cela. لأنهم قالوا اطرد عنا هؤلاء حتى نجلس ونسمع لك. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux qu'on s'assoie avec toi et qu'on écoute ce que tu as à nous dire, débarrasse-nous yani de cela, de Bilal et tout ça, des gens de là qui sont pauvres, etc. فالنبيو عليه السلام من حرصه على الخير هم أن يجعل لهؤلاء الضعفاء مجلسا آخر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il voulait leur guider, il voulait la guider à ces gens-là, qu'il écoute qu'est-ce qu'il a à leur dire, il a الهم سدون الفعل هم بالشيء c'est pas dire qu'il l'a fait, mais c'est comme on va dire ça lui a traversé l'esprit. الهم c'est avant l'azm. L'azm c'est quand on a la ferme intention de faire. الهم c'est vouloir. Hein? Vouloir, il a voulu faire, vouloir, ouais, il aurait voulu faire en sorte qu'il y ait une assise pour les sahaba qui sont pauvres, comme Bilal, comme les autres compagnons qui sont pauvres, et pour ceux-là qui lui ont demandé yani, on veut une assise spéciale pour nous, une assise pour eux. Istijabatan li talab al-akabir. Pourquoi? Pour répondre favorablement à la demande des notables. Tam'an fi islamihim. Tout ça, min Quraysh, tam'an fi islamihim. Tout ça, c'est dans leur intérêt à eux. Yani, il a fait ça, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait voulu faire ça, dans l'intérêt des notables, pour qu'ils acceptent l'islam. Fanahahu Allahu an dhalika qabla an yunaffidahu. Allah a interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire cela avant même qu'il ne passe à l'action. قال تعالى وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Le sens du verset à la fin, nous avons rendu et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est tout transier. لأن الله يعلم أن هؤلاء لا يقبلون ولا يؤمنون. Parce que Allah, il sait bien que cela, ces notables-là, ils vont pas accepter son prêche et ils vont pas y croire. فقال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Dans un autre verset, il dit: et ne repousse pas ceux qui matin et soir implorent leur Seigneur, cherchant sa face, al-wajh. Leur demander compte ne t'incombe en rien, et te demander compte ne leur incombe en rien. En les repoussant donc, tu serais du nombre des injustes. Surat 6, verset 52. وقوله وعرفه فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. Et enseigne-lui qui ils sont, et si s'assoit avec eux après tes conseils, protège-toi de lui, car il est un adepte de la passion également. معناه أنك تناصحه عن مجالسة أهل الشر. C'est-à-dire, cette personne que tu vois en compagnie de gens mauvais, tu le conseilles. Tu lui dis que c'est des gens de mal, c'est des gens d'innovation, c'est des gens de ceci, cela. فإن لم يقبل النصح فاعتزله. S'il n'accepte pas le conseil, eh bien éloigne-toi de lui aussi. يلحق بهم. Celui qui n'accepte pas le conseil, يلحق بهم. Tu le mets dans le même sac. لأنه جلس مع صاحب البدعة عن علم لا عن جهل. Parce qu'après avoir été informé, il est resté sur ses positions. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه. Et si tu entends un homme et tu lui apportes quelques textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ne veut que le Coran, alors n'aie aucun doute sur le fait que cet homme renferme en lui de l'hérésie. Laisse-toi alors et éloigne-toi de lui. الشرح هناك جماعة يسمون القرآنية. Il dit, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, il y a un groupe qui s'appelle les Qur'anites. La yahtadjouna illa bil Qur'an bizamihim. Ils n'utilisent comme argument, quand ils veulent prouver quelque chose, ils veulent parler de quelque chose, ils n'utilisent que le Qur'an, selon leurs prétentions à eux. Wa yarfudhuna as-sunnah. Et ils refusent totalement la sunnah. Wa ha'ulai zanadiqa. Ceux-là, ce sont des zanadiqa. On a dit zanadiqa, pluriel du mot zindiq. Zindiq, c'est le munafiq, l'hypocrite, dans la langue des Perses. C'est pas un mot qui est arabe. لأن العمل بالسنة عمل بالقرآن. Pourquoi? Parce que appliquer la sunna revient à appliquer le Coran. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Allah dit dans la sourate 59, l'Exode, verset numéro 7, le sens: ce que le messager vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, délaissez-le. ولأن السنة مفسرة للقرآن ومبينة له. La sunna vient expliquer le Coran et vient le clarifier. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. Et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre sur eux et afin qu'ils réfléchissent. Sourate 16, verset 44. وهؤلاء القرآنية قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. Cette fraction-là ou cette secte, le prophète صلى الله عليه وسلم en a parlé dans un hadith بقوله, quand il a dit: رب رجل شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est possible qu'un homme, une personne qui est rassasié, shaba'an, ala arikatihi, qui s'accoude sur l'arika, c'est l'wisada, le coussin, sur un divan ou sur un coussin. Yaqul, divan plutôt, non, sur un divan, accoudé sur un divan, bien allongé sur un divan, posé sur un divan, il dit, baynana wa baynakum kitabullah, entre nous et vous, il y a le Coran. Ce qu'il y a de halal dans le Coran, on le prend et on le rend halal. Et ce qu'il y a de haram dans le Coran, on le prend et on le rend haram. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, on m'a donné le Coran et son équivalent. Son équivalent, c'est sunnah. Et dans une autre version, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah, innama harrama rasulullah, mithluma harrama Allah. Certes, ce qu'a rendu haram le messager d'Allah, c'est comme ce qu'Allah a rendu haram. Pourquoi? Parce que le Rasoul, il ne légifère pas de lui, mais il est muballigh anillah. Il est transmetteur de la législation. Wallahu jalla wa ala yaqulu wa ma yantiqu anil hawa. Il dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle point sous l'effet de la passion. Yani le Rasoul alayhi salatu wa sallam, en parlant du messager. In huwa illa wahyun yuha. Ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. Surat 53, versets 3 et 4. Fal ahadith wahyun min Allah jalla wa ala. Les hadiths sont révélations de la part d'Allah. Wa in kanat alfazuha min ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants disent ça, ils disent que les termes sont établis par le messager. Quand il cite un hadith, c'est lui qui formule la phrase. Walakin lakinna ma'aniyaha min Allah jalla wa ala. Mais les sens ils sont préservés et les sens ils proviennent d'Allah. Fa hadha alladhi ihtajju bil Qur'an bi za'mihi wa la yahtaju bis sunnah. C'est ainsi, celui qui prétend, yani dit, on n'utilise que le Coran, et on n'utilise comme argumentation que le Coran. Et il dit la sunna, on n'en a pas besoin. Zindiq, yani munafiq. Il dit, celui-là est un zindiq. Le cheikh dit, zindiq, c'est un hypocrite. Zindiq, yuradu bihi al-munafiq. Quand vous trouvez ce mot, sachez ce que ça veut dire. Ça veut dire munafiq, hypocrite. Naam. Oui, c'est un mot en perse. C'est un mot filourat al-furs qui veut dire munafiq. Parfois ils veulent pas, quand ils utilisent ce terme, ils ne veulent pas dire innovateur. Ils le lâchent sur l'innovateur, mais si tu veux, zandaqa, c'est plus que l'innovation. C'est vraiment un acte qui a été poussé dans. C'est comme le fuhsh, le fahisha. Quand on dit quelqu'un, fahisha, c'est un péché qui n'est pas simplement péché, c'est plus que ça, tu vois. C'est pour montrer que c'est, on va dire, exagéré dans la. Munafiq, هذا هو الاصل. C'est comme le firya. Il y a le kadib et le firya. Firya, c'est un grand mensonge, c'est désastreux. Kadib, c'est un mensonge. Il dit ma هذا معنى قوله قد احتوى على الزندقه. Ma qawluhu faqu min indihi wa da'hu. Lève-toi alors et éloigne-toi de lui. La tajlis ma'ah, ne reste pas en compagnie de ces personnes là qui te disent on prend le Coran, on prend pas le reste. Il y en a بعض الناس يقول هذا يحتج بالقرآن فيغتر به. Parce que il dit ne reste pas en sa compagnie. Il y a certaines personnes qui disent un tel il parle avec le Coran et il se laisse avoir par cela. وهو لم يحتج بالقرآن. Alors qu'en vérité il n'a pas parlé avec le Coran. Il y en a le Coran أمر بالأخذ بالسنة. Parce que le Coran il a renvoyé les gens vers la Sunna du messager. فهذا لم يحتج بالقرآن وإنما يريد التغطية والتعمية على الناس. Mais au contraire, il veut couvrir et il veut aveugler les gens en utilisant justement le Coran et en faisant apparaître comme quoi il utilise le Coran, etc. قال المؤلف رحمة الله عليه وعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف وأردأها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية فإنهم يردون الناس على التعطيل. فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. Et sache que toutes les passions sont destructrices et emmènent les gens vers les divisions. On dit les divisions. Et les pires gens et les plus mécréants sont les rafidites, les mu'tazilites et les jahmites, car ils entraînent les gens vers la négation des attributs d'Allah et vers l'hérésie. نعم الشرح قوله واعلم أن الأهواء كلها ردية. Et sache que toutes les passions sont destructrices. Al-ahwa ma khalafa al-kitab wa al-sunnah. من المذاهب والآراء والأفكار. Tout ce qui est divergent du Coran et de la Sunna, des idéologies ou bien des différentes visions ou bien des pensées, tout ça c'est hawa, c'est passion. Ce qui n'est pas conforme au Coran et à la Sunna, c'est la passion. فكل ما خالف الكتاب والسنة من الآراء والمذاهب والأفكار والحزبيات وغير ذلك فإنه من الأهواء. Le sectarisme, etc. Toutes ces choses-là ne sont pas conformes au Coran et à la Sunna. C'est la passion. C'est quelque chose qui est mauvais. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله. سورة القصص سورة 28 verset numéro 50. Le sens du verset. Mais s'ils ne te répondent pas, ils répondent pas à ton appel, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah. فَهَذَا هُوَ وَاجِبُ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَّبِعَ مَا جَعَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Le musulman, digne de ce nom, il doit suivre ce que Allah a cité dans le Coran, ce que le messager a cité dans la sunna. وَلَا يَتَّبِعَ مَا رَغِبَتْ فِيهِ نَفْسُهُ. Il ne suit pas ce que sa passion lui dicte, tout ce que son âme elle aime. أَوْ قَالَ بِهِ فُلَانٌ وَعَلَّانٌ. Ou bien ce qu'un tel lui a dicté ou ce qu'un tel lui a dit. الْوَاجِبُ أَنْ يَعْرِضَ أَقْوَالَ النَّاسِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ. Il faut exposer les paroles des gens sur le Coran et la Sunna. Parce que les gens ne sont pas infaillibles. Et le Coran et la Sunna, ils sont infaillibles. فَمَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُنَّةَ أَخَذَ بِهِ وَمَا خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُنَّةَ تَرَكَهُ. Ce qui est conforme au Coran et la Sunna, il le prend. Et ce qui n'est pas conforme, il le délaisse. هذا هو صاحب الحق. C'est celui-là qui est sur la droiture et sur la vérité. أما الذي يذهب مع الناس أينما ذهبوا ويكون إمعة ولا يفكر فيما هو عليه ولا يختبر ما هو عليه فهذا صاحب هوى يتبع هواه. Il dit par contre celui qui الذي يذهب مع الناس, il va avec les gens أينما ذهبوا, là où ils vont, ويكون إمعة. إمعة هذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, il a dit لا يكون أحدكم إمعة إن أحسن الناس أن تحسنوا. Yani, faut pas que tu sois imma'a, c'est tu suis les gens. Les gens ils font ça, tu fais pareil. Ils font ça, tu fais pareil. Ils font ça, tu fais pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit faut pas être imma'a. Je sais pas s'il y a un mot en français qui traduit ça. Il a dit si les gens je crois il y a un Allah, je sais même pas s'il y a un mot qui existe en français vraiment. Mais le sens c'est quoi? Que si les gens ils font du bien, faites du bien. Si les gens ils font du mal, faut pas faire du mal. Évitez leur mal. إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. Ça c'est la fin du hadith. Donc le cheikh dit que faut pas suivre à chaque fois qu'il y a une idéologie, une passion, une nouvelle vision, une nouvelle pensée qui sort, et toi tu suis bêtement. Voilà, يفكر فيما هم عليه. Cherche même pas à comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que c'est légitime, c'est pas légitime, ça existe pas, le prophète il l'a fait, les compagnons kada, il suit. ولا يختبر ما هم عليه. فهذا صاحب هوى يتبع هوى. Ça c'est quelqu'un qui suit sa passion. قوله تدعو كلها الى السيف, يعني الاهواء les passions etc, toutes elles appellent à emmène les gens vers les divisions, la division vers l'épée. يعني ان الاهواء تدعو الى الفتنه, les passions ça appelle à quoi? À la discorde, à la zizanie. فالحروب التي وقعت بين المسلمين وانشقاق الكلمه انما جاء عن اصحاب الاهواء من المعتزله والخوارج. Il dit les différentes guerres qu'il y a eu entre les musulmans, la division de la parole, yani les troubles qu'il y a eu, ça vient, c'est originaire de chez les innovateurs. C'est eux qui ont provoqué ça. Parmi les Mu'tazila, parmi les Khawarij et d'autres. هم الذين سببوا الفتنة. Ce sont eux qui ont causé cette discorde. ما جاءت الفتن إلا من قبلهم وبسببهم. Les fitan, les discordes, les zizanis, كذا, ne sont venus que de leur part à eux, hein, et à cause d'eux. Man alladhi qatala Uthman radiyallahu anhu. C'est qui a tué Uthman? C'est le Bourat, le Khawarij. Trois personnes ou les quatre personnes sont rentrées chez lui, qatalou. Man alladhi qatala Aliyan. Qui a tué Ali radiyallahu anhu? Ali, c'est Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi, min al-Khawarij. C'est lui qui l'a assassiné. من الذي أوقد الفتنة بين المسلمين؟ سكي دوت خصابون يديس كي سكي أتوي عمر, عمر سامجوسي كي لا توي عثمان علي كي تشوي الحسين حسين ابن علي كي تشوي sur certains pour ceux qui disent que Muawiya il a été empoisonné il y a deux paroles il y en a qui disent que Muawiya il a été empoisonné et le plus tôt et ce qui est plus sûr c'est qu'il est, il serait mort d'une mort naturelle et yani, qui a tué ses compagnons là c'est des gens de l'ahwa de l'bida de l'innovation man alladhi awqada al-fitna awqada ça veut dire qui a attisé qui a allumé hein man alladhi awqada al-fitna bayn al-muslimin ba'da dhalik illa ashab al-ahwa c'est les adeptes des innovations man alladhi aghra al-ma'muna wa man ja'a ba'dahu bimtihani ahli as-sunnah qui c'est qui a trompé qui c'est qui a trompé Al-Ma'moun Al-Ma'moun c'est le calife Al-Abbasi c'est un des califes abbassides qui a justement appelé à voilà fitnat khalq al-Qur'an il est mort en 218 de l'Hégire 218 il a commencé son appel en 214 et mat en 218 l'imam Ahmed et Mohamed Ben Nouh et ceux qui étaient avec eux, ils l'ont pas vu parce que quand ils étaient sur la route, il est décédé. Qui c'est qui a trompé le Ma'moun? C'est les gens de l'innovation. C'est Ahmed ibn Abi Douad, c'était son ministre, on va dire. C'est lui qui lui a insisté pour qu'il oblige les gens à dire que le Coran il est créé. Et il lui a dit fais-nous ramener Ahmed ibn Hanbal et les autres pour qu'on leur fasse passer le test. بامتحان أهل السنة حتى سحبوا إمامهم أحمد ابن حنبل à tel point qu'ils ont سحبوا c'est-à-dire ils ont tiré سحب c'est le fait de tirer quelque chose رحمه الله يعني ils l'ont mis à l'écart وضربوه ils l'ont frappé وسجنوه et ils l'ont emprisonné إلا أهل الأهواء c'est qui est auteur de ça c'est le Mu'tazila والجهمية à l'époque au début du 3e siècle les années 210 215 220 jusqu'à 230 et quelques que cette fitna s'est arrêtée إلا أهل الأهواء قال وضربوه إلا من الذي سجن شيخ الإسلام ابن تيمية حتى مات في السجن رحمه الله qui c'est qui a emprisonné ابن تيمية شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله décédé en 728 de l'Égypte un كبار علماء الحنابلة grand savant hanbalite il est mort en prison il a été emprisonné plusieurs fois 6-7 fois et il est mort en prison قلعة في دمشق à l'âge de 67 ans رحمه الله إلا هؤلاء أهل الأهواء. Tout ça c'est le fruit des innovateurs. فعلينا نحذر من هؤلاء. Donc faut prendre garde à ceux qui lèvent cet étendard et ce drapeau de l'bid'a. لأن شرهم يؤول في النهاية إلى تمزيق كلمة المسلمين. Parce que le mal qui émane d'eux يؤول يؤول يعني revient vers يؤول في النهاية la fin. Ça va donner quoi comme on va dire que Ya'ul fin nihaya ça va donner quoi comme résultat à la fin Tamziq kalimat al-muslimin. Les musulmans vont se diviser. Wal khuruj ala wali amri al-muslimin. Et les coups d'état qu'ils font, les rébellions qu'ils font contre leurs autorités. Wa tafriq jama'at al-muslimin. Les musulmans vont se diviser. Liyakunu shi'an wa ahzaba. Chacun suit sa passion, chacun suit son idée, chacun suit ce qu'il pense être bien. Ils vont faire des groupes et des partis, etc. Badalan an yakun ummatan wahida, au lieu d'être qu'une seule nation, qu'une seule fraction. Qawluhu, l'auteur rahimahullah a dit wa arda'uha wa akfaruha ar-rawafid wal mu'tazila wal jahmiya. Et les pires gens et les plus mécréants sont les rafidites, les mu'tazila et les jahmiya. Ha'ula hum shar ashab al-ahwa. C'est les pires des sectes. C'est les pires des sectes. Wa fi qimmatiha ar-rafida min ash-shi'a. Et on va dire au summum, qimma, c'est au summum, rafida, qui sont ceux qu'on appelle maintenant les chiites. Summu rafidatan, li'annahum rafadu Zayda ibn Ali, ibn Ali, ibn al-Hussein, lamma da'awhu, une erreur de frappe, lamma da'awhu, an yuwafiqahum ala sabbi Abi Bakr wa Umar. Pourquoi ils ont été nommés rafida? Car ils ont refusé. Rafadou, Rafd, c'est le refus. Ils ont refusé Zayd, fils de Ali, fils de Hussein. Zayd, fils de Ali, fils de Hussein, fils de Ali, fils de Abi Talib. Il dit, ils l'ont refusé quand ils lui ont demandé de se mettre en accord avec eux dans le fait d'insulter Abu Bakr et Omar. Abu Bakr et Omar. Abu Bakr, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort en l'an 13. Et Omar, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort en l'an 23. Qui, les a, deux qui a refusé, je peux dire. Hein? Qui a refusé. Houa, Zayd ibn, ibn Hussein. Rafida, ils lui ont dit, viens avec nous, tu dois te conformer avec nous quant au fait d'insulter Abu Bakr et Omar. Hein? Houa, il a refusé ça. Soumou Rafida. Il dit, وقال لا أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il leur a dit non, Abu Bakr et Omar, ce sont les deux ministres du messager صلى الله عليه وسلم, les deux compagnons qui étaient plus proches de lui. فلما أبى أن يوافقهم قالوا إذا نرفضك. Donc quand il a refusé de se conformer à leur conviction, ils ont dit donc on te rejette. Donc ils ont été nommés Al-Rafida. Wal-Jahmiya, Al-Rafida, c'est l'asluha min Abdullah ibn Saba al-Yahoudi. Fondement de Rafida, elle a une chaîne de transmission, de rapporteur, de chaîne, une chaîne de, qui a pris d'un tel, qui a pris d'un tel, qui est noir, noir foncé. Il dit, la base, c'est Abdullah ibn Saba al-Yahoudi. C'est un yéménite, un juif. Voilà d'où elle vient cette idéologie. C'est quoi qui est noir foncé? Hmm? C'est quoi qui est noir foncé? Leur chaîne de rapporteurs. Hada, il a pris de celui-là, qu'il a pris de celui-là. Il n'y a pas de gens bien, si tu veux. C'est ça que je veux dire. Al-Jahmiya atba' al-Jahm ibn Safwan. Al-Jahmiya, c'est les suiveurs de al-Jahm. Al-Jahm ibn Safwan al-Tirmidhi. Alladhi takarrara dhikrahu. Alladhi takarrara dhikrahu. Celui dont on a parlé plusieurs fois. Al-Mu'tazilatu atba'u Amr ibn Ubaid. Wa wasil ibn Ata. Donc, les Mu'tazila, ce sont les suiveurs de Amr ibn Ubayd, il est connu parmi les grands Mu'tazila, et Wasil ibn Ata, également, parmi les grands, parmi les Mu'tazila, qui étaient déjà là, au début du deuxième siècle. Alladhina i'tazalu majalis al-Hassan al-Basri, qui se sont écartés de des enseignements, des assises de l'imam al-Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, un kibar tabi'in, parmi les grands tabi'in. Il est mort en l'an 110 de l'Hijra. Wanhazu walam ya'khudhu al-'ilma an ulama as-sunna. Donc nhazu, ils se sont mis à l'écart et ils n'ont pas pris leur science des savants de la sunna. Fasummu mu'tazila, ils ont été nommés mu'tazila. Mu'tazila min al-i'tizal. L'i'tizal, c'est l'ibti'ad, le fait de s'écarter, de s'éloigner, de se mettre à l'écart. قوله فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. Car ils entraînent les gens vers la négation des attributs d'Allah et vers l'hérésie. التعطيل نفي الأسماء والصفات. Négation des attributs d'Allah, c'est rejeter les noms, les attributs d'Allah. والزندقة, on a dit, c'est donc l'hypocrisie. وهي ici وهي رفض الكتاب والسنة. Ici dans notre sujet, c'est fait de refuser le Coran et la Sunna. والأخذ بدلهما بالأهواء والرغبات. Et à la place de ça, le fait de prendre ce qui t'arrange, ce que ta passion te dit, ce que tu aimes, etc. قال المؤلف رحمه الله عليه واعلم ان من تناول احدا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم انه انما اراد محمدا عليه السلام وقد اذاه في قبره واذا ظهر لك من الانسان شيء من البدع فاحذره فان الذي اخفى عنك اكثر مما اظهر. Un parmi les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sache qu'il n'en voulait réellement qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui a causé un grand tort alors qu'il sallallahu alayhi wa sallam est dans sa tombe. Et s'il t'apparaît chez une personne un signe d'innovation, prends garde à lui, car ceux qui cachent leurs innovations sont plus nombreux que ceux qui les montrent. Et s'il t'apparaît chez une personne un signe d'innovation, prends garde à lui, car ceux qui cachent leurs innovations sont plus nombreux que ceux qui les montrent. Et ici l'auteur dit فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. Ça veut dire si tu as montré certaines innovations, ce qu'il cache yani, comme innovation, elles sont pires. Ce qu'il t'a montré, c'est peu de beaucoup. الشرح إكسبليكاسيون قوله واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Et sache que celui qui s'en prend à un parmi les compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. أي من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصهم فإنه يسب الرسول عليه الصلاة والسلام. Celui qui insulte un des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou qui l'amoindrit, ou le néglige, ou l'avilit, c'est comme s'il a insulté le messager directement. لِيَنَّهُمْ أَصْحَابُهُ وَأَعْوَانُهُ أَنْصَارُهُ. Parce que ce sont ses compagnons, ce sont ceux qui l'ont soutenu, ce sont ceux qui l'ont secouru, qui l'ont aidé. فَإِذَا طَعْنَ فِيهِمْ طَعْنَ فِي الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ. Celui qui s'exprime mal à leur égard, s'est exprimé mal sur le messager. يَنَّ الرَّسُولَ هُوَ الَّذِي جَمَعَهُمْ. C'est le messager qui les a réunis. وَهُوَ الَّذِي سَارَ بِهِمْ. Et c'est lui qui les a guidés. وَهُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ شُؤُونَهُمْ. C'est lui qui s'occupait de les diriger. فَهَذَا طَعْنٌ فِي الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Donc c'est une critique qui est adressée au messager directement. أنه يستصحب أناسا أشرارا. Comme quoi, il resterait en compagnie de gens qui sont mauvais. فهذا طعن في الرسول عليه السلام. C'est une critique sur le messager. يقولون الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. الجبت, je ne sais pas comment ils traduisent. Vas-y. Donc il dit, donc ils disent Al-Jibt wa Tagut Abu Bakr wa Omar. Yani Tagut, on a dit celui qui dépasse ses limites. Hein? Wa hada ta'nun fi ar-rasul alayhi as-salatu wa as-salam. Il caractérise Abu Bakr et Omar de la sorte. Et ça c'est une critique sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Kayfa yakunu sahibah wa wazirah jibtan wa taghuta? Comment est-ce que ces deux compagnons, ces deux ministres qui sont proches de lui, c'est des tawarites? Idhan ar-rasul la yafhamu wa la ya'rif. Ça veut dire que le messager ne comprend pas, il ne connaît rien. Nas'alullah al-afiyah. Ar-rasul aydan yamdahu as-sahaba wa yathni alayhim. Le messager lui-même a fait l'éloge des compagnons. Idhan huwa la ya'rif haqiqatahum. Ça veut dire que le messager ne connaît pas réellement ses compagnons. Yaqul la tasubbu ashabi, quand il a dit n'insultez pas mes compagnons. Fa walladhi nafsi bi yadihi لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. Quand il a dit, n'insultez pas mon compagnon par celui qui détient mon âme dans sa main. Si l'un d'entre vous dépense l'équivalent de Uhud en or, il n'atteindra pas la poignée de l'un d'entre eux ou même sa moitié. يمدحهم, il fait leurs éloges. فإذا يكون الرسول قد غالط في مدحهم والثناء عليهم. Donc, selon cette idéologie, le messager a fait une erreur quand il les a complimentés. Huwa wa hum ashrar wa jibt wa taghut wa kafara. Hada ta'nun fi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors que selon cette idéologie, les compagnons sont mauvais, les compagnons sont des tawarites, en commençant par Abu Bakr et Omar, les compagnons sont des kuffars, des mécréants, et ça c'est une critique sur le messager. Bal hada ta'nun fi al-Qur'an. Plus que ça encore, c'est une critique sur le Coran. Qala ta'ala قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله dit dans le Coran, surat 48 verset 18, le sens: certes Allah a agréé les croyants lorsqu'ils t'ont fait pacte d'allégeance sous l'arbre. وقال تعالى لقد تاب الله. Il y avait plus de 1400 compagnons à ce pacte d'allégeance. 1300-1400 compagnons. Donc il y a une erreur dans le Coran si tu dis que compagnons c'est des kuffars. Et Allah il est satisfait d'eux. قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Certes, Allah a accepté le repentir du prophète ainsi que des muhajirin, des émigrés et des auxiliaires, l'Ansar, qui l'ont suivi dans un moment difficile. Surat 9, verset 117. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dans un autre verset, surat 9, verset 100. Et les tout premiers parmi les émigrés et les auxiliaires c'est les Médinois, et ceux qui les ont suivis dans le bien, Allah les a agréés et eux ils l'agréent. إذن هذا قدح في القرآن الذي أثنى عليهم ومدحهم. Si tu dis ça, cette idéologie que les sahabas c'est des kuffars, sahabas tawarit, sahabas c'est des ceci cela, c'est une critique sur le Coran qui dit le contraire. فلا يسب الصحابة من في قلبه ذرة من إيمان. Celui qui a quelque chose de foi, peu de foi, peu de iman dans son cœur n'insultera pas les compagnons. قوله فعلم أنه إنما أراد محمدا عليه السلام قد آذاه في قبره. من يسب الصحابة فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. Celui qui insulte les compagnons, il a causé du tort au prophète صلى الله عليه وسلم dans sa tombe. لأنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يسب أصحاب أن يسب أصحابه. Car le messager صلى الله عليه وسلم n'accepte pas, n'agrée pas qu'on insulte ses compagnons. وقد قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Certes, ceux qui commettent du tort à Allah et au messager, Allah les maudit ici-bas et dans l'au-delà, il leur a préparé un châtiment avilissant. Surat 33, verset 57. فالذي يسب الصحابة قد آذى الله ورسوله. Celui qui insulte les compagnons, causé du tort à Allah et au messager. ولا يكون هذا خاصا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est pas seulement quand le messager était vivant. بل يؤذيه وهو في قبره بعد موته عليه الصلاة والسلام. Il lui cause du tort même après sa mort, alors qu'il est dans sa tombe. ومن يفعل هذا فهو ملعون. Et celui qui fait ça, il est maudit. لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أسأل الله العافية. قال المؤلف رحمه الله وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. Qu'il est pervers et débauché, auteur de péché et injuste, mais que malgré cela il fait partie des gens de la sunna. Alors prends-le comme compagnon et assieds-toi avec lui, car ses péchés ne te causeront pas de tort. مصاحبتك للفاسق السني على ما فيه من الفسق وفعل المعاصي. Il dit le fait que tu accompagnes, tu restes en compagnie d'un quelqu'un qui est sunnite, il a une conviction qui est juste, il suit une voie qui est sereine, mais il est auteur de péché. ومجالستك له خير من مجالستك للمبتدع. Rester en compagnie de ce type de personne qui est auteur de péché mais qui a une conviction qui est sereine et qui est juste, c'est mieux que rester en compagnie d'un innovateur. لأن العاصي يعرف أنه عاص. Le pécheur, il sait qu'il est pécheur. ويرجى أنه يتوب بخلاف المبتدع فإنه يعتقد أنه على حق. Et on espère de lui de repentir. Il n'y a personne qui fait des péchés et qui dit que c'est bien, que c'est louable. أما l'innovateur, il dit, pour lui, il est bien. Pour lui, les innovations qu'il fait, c'est des bonnes choses, c'est des adorations. Voilà et tout. Et il ne pense pas au repentir. Comment il va penser au repentir alors que lui pense que c'est quelque chose de bien? En général, les innovateurs ne se repentent pas, ne reviennent pas sur leurs pas. لأنهم يرون أنهم على حق. Parce qu'ils sont convaincus que ce qu'ils font c'est la vérité. فليس هذا معناه أنك تجالس العصاة. Ici, le cheikh dit, il faut bien comprendre. L'auteur ne t'incite pas à rester avec des débauchés, avec des gens, même sunnites, etc. Les péchés, c'est pas quelque chose de louable. ولكن معناه أن مجالسة العصاة من أهل السنة خير من مجالسة المبتدعة. Mais ici, si tu veux, il te fait une comparaison. C'est mieux que tu restes en compagnie de sunnites, de gens qui sont sur une voie sereine, mais qui sont auteurs de péché, متلبس ببعض المعاصي. C'est mieux que plutôt que tu restes avec quelqu'un qui fait pas de péché ni en apparence, etc., mais qui est auteur d'innovation. Malgré que les innovateurs, pour beaucoup d'entre eux, quand tu les vois en apparence, c'est des gens de droiture, des gens d'adoration, des gens de piété. C'est ça que veut citer l'auteur. C'est ce qu'a cité Cheikh Najmi, exactement pareil. ولا شك أن البدعة شر وحب للشيطان من المعصية. Il n'y a pas de doute que l'innovation est pire et plus aimée par le diable que le péché. Comme l'a cité من qui a cité cette parole? سفيان الثوري. لا معروف عن سفيان أن البدعة حب إلى الله أحب إلى الشيطان من المعصية. لأن صاحب البدعة لا يتوب منها. Pourquoi? Parce que l'innovateur, il se repentira pas. إلا من رحم ربك بخلاف صاحب المعصية فإنه يرجى أن يتوب منها. Contrairement au pécheur. Le pécheur, il te dit pas à travers l'usure ou à travers le khamr, l'alcool ou à travers les jeux de hasard, je m'approche d'Allah et c'est bien ce que je fais. Il sait bien qu'il a tort. لأنه يعتقد أنها معصية ويخجل. Parce que il sait bien que c'est un péché. يخجل c'est quoi le خجل? Ah? Non. Le خجل c'est la honte. Il y a une différence entre le haya ou le خجل ou kada. Il y a des différences de précision au niveau linguistique. يخجل ولا يبينها بخلاف المبتدع. يعني حتى العاصي il va se cacher en général. Ceux qui ont encore une fitra salima et un peu de pudeur, il va se cacher, il va pas vouloir faire ça devant Anas, devant les gens. Qawlu, l'auteur rahimahullah dit wa huwa min ahli sunna fashabhu. Yani sahib al-ma'asi, pêcheur mais qui a une bonne conviction, c'est quelqu'un de la sunna, reste en sa compagnie. D'accord? Ay ma lam yakhruj 'an al-islam inna ma 'indahu kaba'ir dun ash-shirk. Donc il dit tant qu'il ne sort pas, tant qu'il ne sort pas de l'islam, c'est un auteur de grands péchés, mais moindre que le shirk. Wa laysa 'indahu bid'ah, c'est pas quelqu'un qui soutient ou qui fait des innovations. Fa mujalasatuka lahu akhaf min mujalasati al-mubtadi'. Rester en accompagné de ce type de personne, sunnite mais pécheur, c'est mieux, c'est moins grave que de rester en la compagnie d'innovateurs. وَإِنْ كَانَ الْمُبْتَدِعُ يُظْهِرُ الصَّلَاحَ وَالتُّقَى. Malgré que l'innovateur, il te fait apparaître la piété et il te fait apparaître التَّقْوَى وَالصَّلَاحُ وَالْعِبَادَةُ التَّقَشُّفُ tout ça. وَكَمَا ذَكَرْتُ لَيْسَ مَعْنَ هَذَا أَنَّ الشَّيْخِ يَقُولُ لَكَ جَالِسْ أَهْلِ الْمَعَاصِي. Il dit, comme je vous ai dit auparavant, le cheikh parle, Fawzan, il dit, c'est pas comme je vous ai dit auparavant, ça ne veut pas dire que l'auteur, l'imam al-Barbahari, rahimahullah, te dit, reste en compagnie des pécheurs. Ce n'est pas ça le sens qu'il faut comprendre. وَإِنَّمَا هُوَ يُقَارِنُ بَيْنَ مَفْسَدَةِ مُجَلَسَةِ الْعَاصِي وَمَفْسَدَةِ مُجَلَسَةِ الْمُبْتَدِعِ. Mais il est en train de faire une muqarana. Muqarana, c'est une comparaison entre l'effet néfaste de rester avec un pécheur et l'effet néfaste de rester avec un innovateur. فَمَفْسَدَةُ فَمَفْسَدَةُ مُجَالِسِ الْمُبْتَدِعِ أَشَدُّ مِنْ مُجَالَسَةِ الْمَعَاصِي فَمَفْسَدَةُ مُجَالِسِ الْمُبْتَدِعِ أَشَدُّ مِنْ مُجَالَسَةِ الْعَاصِي. عندكم كلكم مجالس؟ نعم. ها؟ فكيف بصاحب السنة المتمسك؟ Donc il dit le méfait ou le caractère néfaste de rester avec l'innovateur, il est plus grave que le caractère néfaste de rester avec un pécheur. Que dire alors? Le fait de rester avec quelqu'un de la sunna qui est attaché à sa religion, mutamassik. إذا كانت مجالسة صاحب السنة العاصي خير من مجالسة المبتدعة فكيف بمجالسة صاحب السنة المهتدي المتمسك. Donc il dit, c'est sûr que rester avec quelqu'un de la sunna et encore qui est attaché à sa religion, qui est sur la droiture, qui n'est pas auteur de péché, en tout cas apparent, etc., ou de graves péchés, c'est encore mieux. هذا هو الجليس الصالح, c'est celui-là. Le bon compagnon ou celui qui va t'apporter la bonne compagnie. قوله l'auteur rahimahullah dit فإنه ليس تضرك معصيته. Car ses péchés ne te causeront pas de tort. لأن معصيته عليه هذا من باب المقارنة. Parce que le péché qu'il fait, il revient sur lui. يعني comparé à l'innovateur. لكن المبتدع تضرك بدعته أما العاصي فلا تضرك معصيته. Il dit l'innovateur, son innovation, elle risque de faire effet sur toi, et le pécheur, yani son péché ne va pas faire ou ne risque pas de faire effet sur toi. On va finir. S'arrête là, inshallah, on continuera la semaine prochaine. Non. Hein? Mortaqash. Il y a moins d'une heure. Taqashuf. Taqashuf, c'est l'abstinence. Taqashuf, comme Sophie Hachir, il va en parler après par la suite. Taqashuf, c'est. Wahdaka et Tadahar Zahid Bizouhd Bittark, tu vois, il laisse les choses à Kaï. On va le voir, Inch'Allah, la semaine prochaine. Quelqu'un a une question sur ce qu'on a fait aujourd'hui? لا مو كلا باكم خيو ولا حاجة نعم تعطوا القرآن روح فضل نعم سلام souvent les gens à qui l'entourage qui me parle c'est bien ça les coranites là que t'as dit et ils délaissent la sunna ils disent ouais parce qu'ils me disent le coran c'est Allah il l'a protégé mais ils me disent en aucun cas la sunna il l'a protégé c'est à dire il peut se tromper ça peut être et là quand t'as lu t'as dit c'est aussi protégé je voulais savoir non c'est une révélation la sunna c'est pas le messager qui vient et qui raconte des choses la sunna c'est une révélation qui vient le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a pris de Jibril il l'a pris d'Allah donc c'est une révélation qui vient d'Allah. Donc le fait de dire que la sunna a été falsifiée ou kada, ça veut dire qu'Allah il l'a pas préservé, il n'a pas tenu sa promesse quand il a dit inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui allons la préserver. Hamt? Allah il a dit qu'il allait la préserver. Toi tu dis non, la sunna elle a été altérée ou kada, alors qu'on voit qu'au fur et à mesure du temps, il y a toujours des gens qui sont venus remettre les pendules à l'heure et filtrer ce qui est véritable de ce qui est mensonger. Et salaf à l'époque ils disaient al malaika tu hurras al sama wa ahlu al hadith hurras al ard. Les anges ce sont les gardiens du ciel et rahmukallah et les ulama du hadith ce sont les gardiens de la terre. Fahmt? La sunna elle a été préservée sinon on n'aurait pas besoin de toute cette histoire de daif de mawdou de hadith fi kada rawi la ça le rapporteur il a ça. Les heures et les heures que les ulama ils passent sur l'asanid, sur les chaînes de rapporteurs à vérifier, ça c'est mensonger, ça c'est ceci, cela, et à poser des règles. On n'aurait pas besoin de tout ça si, de toute façon, d'office, il y a ni la sunna, elle est... Ceux qui sont préservés, c'est lesquels? Alors, c'est tous sahih, hassan, zahif, non. Il y a toujours eu des gens qui sont là pour préserver ça. Mais je veux dire, il y a plein de preuves qui montrent qu'il faut revenir à la sunna. Même le prophète, à la fin de sa vie, Hajjat al-Wada', il a dit « Ala inni tarikum fikum, ma in tamassaktum bihi, lan tadillu ba'di abada. » Kitab Allah. Après, il y a plusieurs versions. Wa sunnati, wa usikum Allah fi ahli bayti, etc. Dans le hadith de Jabir fi Sahih Muslim et dans d'autres versions. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Non? Yani, je laisse. Je vais vous laisser ce à travers quoi? Si vous vous attachez fermement, vous ne vous égarerez jamais. Et le livre d'Allah et ma sunnah. Le livre d'Allah et ma sunnah. Donc, nombre de textes. La sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam elle est citée donc le coranien il se base sur rien et les ulama ils disent tout simplement tu dis à quelqu'un qui te dit ça salli rak'atayn prie deux rak'at en te basant que sur le coran s'il fait yani, quelque chose qui n'est pas cité dans le coran à savoir que dans le coran c'est pas cité qu'il y a deux sujoud dans une rak'a dans le coran c'est pas cité que tu vas réciter le fatiha Allah il a dit dans le coran faqra'u ma tayassara minh فقرأوا ما تيسر من القرآن. Où c'est marqué que tu dois dire الفاتحة, فاتحة الكتاب. Sinon ta prière n'est pas. Ça c'est le hadith de Ubad ibn Samit fi al-Sahih. Tu vois? Il y a plein de choses comme ça qu'ils vont faire, qui va montrer que eux-mêmes ils respectent pas leurs règles. Où c'est marqué dans le Coran qu'il y a le tashahhud. Tu vois? Salat ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a très peu d'informations dans le Coran quant aux détails de la salat. Donc ça montre bien que. Le Cheikh al-Albani il a eu kalam. Il a fait une discussion avec un Jahel Jahoul de leur secte à eux. Et il lui a dit justement, il lui a dit, lève-toi et fais une prière pour voir comment tu pries. Mais tu te bases sur le Coran. Vous ne prenez pas la sunna. Et le Cheikh, il a dit, il a fait une prière qui ne ressemble même pas au peu d'informations qu'il y a dans le Coran. Et même ce qu'il a fait, ça ne ressemble même pas aux petites infos qu'on a dans le Coran. Sur la salat, sur le fait qu'il y a la salat, qabla tolou al-shams, qabla ghurubiha. Aqimi salat li duluki shams ila ghasaqi al-layl le fait que warka'u ma'a ar-raki'in il y a un ruku' il y a sujoud il y a une tilawa ce qu'il a fait lui ça ressemble même pas au peu d'informations qu'il y a yani il y a pas une shubha qui est il y a pas une équivoque qui est effaçable et que tu peux répliquer très facilement comme cet équivoque là de dire que ce qu'il y a dans le Coran on le prend et ce qu'il y a pas et subhanallah le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a prononcé lui-même quelqu'un il est rassasié il est allongé sur un divan tranquillement et il dit entre nous et vous, il y a le Coran. Ce qui est halal dans le Coran, c'est halal. Ce qui est haram dans le Coran, c'est haram. Et on s'arrête là. Yani. Il a bien cité à la fin du hadith que, j'ai reçu le Coran et son équivalent. Donc maintenant, il faut qu'il nous explique, ces gens-là, c'est quoi l'équivalent du Coran. C'est pour ça que si Allah subhanahu wa ta'ala il n'avait pas préservé la sunna, il n'aurait pas envoyé des personnes qui. Le messager sert à rien dans ce cas-là. Le messager qui vient et qui te montre comment faire les choses, etc. Ça n'a plus de sens. Parce que quand tu as dit à un moment, quand Rasoul il parlait aux notables, il a dit c'est les pauvres. Et souvent il me parle de ça, il me dit ouais, regarde, Rasoul il s'est trompé là. Allah il lui a dit ah, tu t'es trompé donc tu peux se tromper. Non, le messager s'est trompé et Allah il l'a corrigé. Non. Mais il faut qu'il nous montre une erreur où le messager s'est trompé et Allah il l'a pas rappelé à l'ordre ou il l'a pas corrigé. Si le messager fait quelque chose et Allah il le rappelle pas à l'ordre, c'est que c'est juste ce qu'il fait. Et si Allah il le rappelle à l'ordre, c'est que il l'a remis sur là. Il a fait une erreur et il l'a remis sur là. Contrairement à moi, toi ou quelqu'un d'autre maintenant qui peut se tromper et rester dans son erreur. Les gens peuvent le conseiller, etc. Mais il peut rester sur son erreur. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il est ma'soum dans ce domaine là. Même s'il fait une erreur, Allah il le rappelle à l'ordre. Allah, ouais. Comment tu définis la sunna? La sunna, on a dit qu'elle a plusieurs définitions selon le domaine. La sunna fil lugha, on a dit c'est at-tariq. On a vu ça au tout début du livre. C'est le chemin. Et on a dit que Ibn al-Athir fait nihaya, il cite que ça peut être un chemin bon comme un chemin mauvais. Dans le hadith de Abi Huraira dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man sanna fil islam sunnatan hasana. Il a dit man sanna fil islam sunnatan sayya, celui qui, on va dire, qui appose dans l'islam un bon chemin ou qui fait revivre une bonne chose. Tu vois, ça peut être bon ou mauvais. Maintenant, selon le domaine, par exemple dans Kutub al-Aqaïd, les livres de conviction, quand ils disent sunna, c'est la religion tout entière. Il y a un nombre de ulama qui ont écrit des livres, ils les ont appelés sunna, avec alif lam, la sunna. Et ce qui est voulu, c'est la religion tout entière. Comme le fils de l'imam Ahmad, il a un livre qui s'appelle sunna. Al-Khalal, il a un livre qui s'appelle sunna. Et il parle de la religion dans tout entier. Ce livre-là, Sharh al-Sunna, l'auteur, il n'est pas en train de parler d'un domaine bien précis. On a bien vu qu'il parle de beaucoup de choses. Chez les fuqaha, chez les juristes, la sunna, c'est le contraire du wajib ou du fard. Pour ceux qui différencient, comme les hanafites, entre le fard et le wajib, à la kulli hal, il dit, la sunna chez les juristes, dans les livres de fiqh, quand tu trouves sunna, ça veut dire que c'est pas obligatoire. Ils vont dire, مثلا, salat al-jumu'a, fard, ou bien wajib. La prière du Jumu'ah est obligatoire. Et ils vont dire raka'atayn qabla al-fajr, ou bien tahiyat al-masjid, la salutation de la mosquée, sunnah. Qu'est-ce que ça veut dire sunnah? Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire dans les livres de fiqh. Chez ulama al-hadith, la sunnah, c'est ma uthira an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min qawlin ou fi'lin, ou min qawlin ou fi'lin, ou sifa khalqiyya ou khuluqiyya ou taqrir. C'est-à-dire que ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de parole, d'acte, ou bien d'une caractéristique qu'il avait, aussi bien dans qui fait goulou khalqiya, sa molite est grand, kada kada. Ils savent pas. Khalqiya ou khuluqiya? Khuluqiya, c'est dans son comportement. Il était courageux, il était. Jawad, non, voilà, physique. Jawad, yani, c'est quelqu'un qui dépensait beaucoup, il était. Tawadu, il était modeste. Tu vois, tout ça, ça rentre dans cette caractéristique, ou bien. Taqrir. Taqrir, c'est quoi? C'est qu'il voit par exemple quelque chose et il se tait. Quelqu'un il fait quelque chose et il se tait. Il dit pas non, ça c'est pas bon, ça fallait pas le faire. Pourquoi tu as fait ça? Ceci n'est pas légitime. Beaucoup de fois il a repris des compagnons sur des choses. Et des fois il a vu des choses, il s'est tué. Ça rentre dans la sunna, la sunna d'acceptation. Tu vois? Selon les matières. Et ça, les savants disent justement, il faut faire attention pour celui qui étudie la science religieuse. Il y a des mots, d'une matière à une autre, elle n'a pas la même définition. Et il y a des mots, d'un madhhab à un autre, d'une école à une autre, ça n'a pas la même définition. Tu vas lire le livre d'un maliki, il va dire quelque chose, et le livre d'un hanbali, surtout dans le fiqh, il va dire quelque chose, il ne veut pas le dire la même chose, malgré que c'est le même terme. Tu vois? Il faut faire attention à ça. Hein? Un mot à cette époque, il y a... Voilà, il y a aussi les temps. Des fois, une époque qui veut dire quelque chose, il s'utilise pour quelque chose, et une autre époque, il s'utilise pour autre chose. Ça, c'est des mustalahat. Et les savants disent, la mushahata fil istalah. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment dire de dispute à avoir à propos d'une définition, d'une terminaison. Ce qui détermine ça comme ça, tant que ça rentre, bien sûr, dans. On ne va pas dire la sunna, on l'utilise à partir de l'an tel. La sunna, on utilise ce terme pour définir la bid'a. Non, tu vois. Mais je veux dire, c'est une certaine flexibilité sur le terme, il n'y a pas de problème là-dessus. Qui dit que c'est le contraire de la bid'a? Non. C'est le contraire de la bid'a. السنة ضد البدعة ممكن. شفنا أربعة تعريف عند علماء الحديث، عند الأصوليين، عند كتب المعتقد dans les livres de عقيدة، dans les livres de الأصول الأصول فقه، dans les livres de حديث et dans les livres de فقه. On avait vu avant ça la définition de l'Ora. شوف علماء الاعتقاد شيخ فوزان اللي قال لنا شيخ فوزان علماء الاعتقاد au tout début. نعم. Autre chose, on s'arrête là. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.